Et il est 16h passé de 17 minutes. J'ai encore rien dit, ou pratiquement pas. Passer mon temps au téléphone, c'est sympathique, mais bon, l'heure tourne pendant ce temps-là. On écoute Jean-Claude Mausoléo, qui n'est jamais passé sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, une valse aux tentations, demandée de la part de Simone pour ses amis de l'accordéon, tous ses amis de l'accordéon, et Dieu sait s'il y en a, pour Mamie Geneviève, pour l'animateur, et puis pour tous ceux qui aiment l'accordéon, bien entendu. Voici Jean-Claude Mausoléo. Passé de 21 minutes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, je rappelle le site pour ceux qui nous écoutent sur internet, www.radio-arc-en-ciel.fr. Et on retrouve Marc Aurine, que vous avez écouté au début, et ça s'intitule « Il a neigé dans mon cœur ». C'est mon premier coup de cœur. Comme au royaume des dieux, tout est radieux. Je lis dans ton beau sourire un seul unique désir, pour rester à jamais main dans la main. Toi ou ma vie, pardonne-moi, je veux rester près de toi. Sous mon toit, partager l'amour comme autrefois. Il a neigé dans mon cœur, c'est mon premier

maison du Tessin ou du Valais. Les préales fromagères ou bien laitières. Mais le meilleur ici-bas, c'est le roi du chocolat. Il ne faut pas discuter, mais il faut le déguster. Avant des sables formidablement bon. Chocolat, chocolat, chocolada. Bah, dit, je suis jalante, jamais malade. Chocolat, chocolat, chocolada. Bah, dit, je suis jalante, jamais malade. Eh bien voilà, c'était Jean Don, Jean-Claude Mauzoléo, et maintenant une dédicace, c'est pour Monique de Cheville, pour son plaisir personnel. On écoute Édouard Duleu, l'accordéoniste bien sûr, et c'est le plus beau tango du monde. Dans quelques petites secondes. Quelques petites secondes. Ah oui, c'est long quand on attend, mais c'est comme ça. Et c'est parti. on continue, bien sûr, jusqu'à 18h, nous sommes ensemble, avant l'émission des sports, qui peut-être aura lieu ce soir, je ne sais pas. On continue donc avec Jean-Claude Mausoléo, et on écoute Nuit d'insomnie, une valse, de la part de Mamie Geneviève, pour Simone et l'animateur, merci. Et puis profitez bien du soleil qui se cache sur Fleury-les-Aubrais. Il va revenir. On continue cette émission, bien sûr, en accordéon avec Yvette Horner, et ce sera la comparsita. Silence. La comparsita, toujours pour Monique de Chevilly, son plaisir personnel, hein, en espérant que le soleil reste sur Chevilly. Et les petits copains, alors, ils n'auront rien? C'est pas évident, ça. Voici donc Yvette Horner, la comparsita. joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Et l'accordéon revient avec bien entendu un pop. Enfin, bien entendu, c'est pas obligatoire. Avec Jean-Claude à l'accordéon numérique, si possible. Et un pot-pourri de marche à l'accordéon numérique, voici. On écoute Paul-François Secaldi, c'est un Corse. Il interprète bien sûr Bella Bella Corsica. Il fallait s'y attendre. Le petit bal du samedi soir sur Arc-en-Ciel tous les samedis de 16h à 18h vous souhaite une bonne année 2020, santé, bonheur, tout ce que vous désirez. Thank you. Et on continue en accordéon, la marche des brocanteurs. Composition de Charles Cassonnet, Manu Blanchet, Yannick Luzeau et Jackie Mass. C'est Mass, je dis bien. Et c'est interprété par notre ami Charles Cassonnet. Alors, Charles Cassonnet, la marche des brocanteurs. Ce matin, tout va bien, car c'est dimanche. Certains s'en vont à la pêche ou bien aux champignons. Mais pour moi, ce matin, c'est la brocante. Et aujourd'hui, il y a sûrement des occasions. Il faut se lever tôt pour les toquantes, les pendulettes, les réveils et même les vieux oignons. Il faut se lever tôt pour les toquantes. Que voulez-vous, moi, c'est ma passion. Je collectionne les pendules et tout ce qui donne l'heure. Ma femme trouve ça ridicule, pourtant je suis bricoleur. Car j'ai réparé sa montre avec un petit ressort. Et chaque fois qu'on le remonte, mon petit cœur bat très fort. C'est dimanche, certains s'en vont à la pêche ou bien aux champignons. Mais pour moi ce matin, c'est la brocante. Et aujourd'hui, il y a sûrement des occasions. Il faut se lever tôt pour les toquantes, les pendulettes, les réveils et même les vieux oignons. Il faut se lever tôt pour les toquantes. Que voulez-vous, moi, c'est ma passion. Que je vous montre, me dit un jeune brocanteur. Vous qui connaissez les montres, j'ai un objet de valeur. Voyez s'il est magnifique, je vous le fais pas très cher. Ce vieux coucou mécanique vous chante les heures à l'envers. Ce matin tout va bien, car c'est dimanche. Certains s'en vont à la pêche ou bien aux champignons. Mais pour moi ce matin, c'est la brocante. Et aujourd'hui, il y a sûrement des occasions. Et il faut se lever tôt pour les toquantes, les pendulettes, les réveils et même les vieux oignons. Il faut se lever tôt pour les toquantes. Que voulez-vous, moi, c'est ma passion. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. En parlant d'étoiles, on va écouter Étoiles des neiges par Damien Berezinski. Thank you. coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Tango de chez nous, Charles Cassonnet. Et en parlant de Charles Cassonnet, je signale que l'orchestre Top Musette, avec Charles bien sûr et Jacques Thauvin, sera à Boigny-sur-Bionne demain 19 janvier à la salle du patio pour la galette des rois de la FNACA. Le 21 janvier à la source, à la salle Pélissère, bal privé. Le 23 janvier à Beaugency, résidence des Belettes. Et le 28 janvier à la chapelle Saint-Mamin, à l'espace Bérère, amicale des retraités de Saint-Gobain. L'accordéon, le petit bal du samedi soir recevra le dimanche 9 février prochain, entre 12h30 et 15h, l'orchestre très connu maintenant, Les Oreilles qui saignent, que j'ai déjà reçu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vinci Loisirs organise son après-midi dansant avec l'orchestre François Mazera le 2 février prochain. À partir de 15h, ouverture des portes 14h30 à la salle polyvalente de Vinci. Réservation sur 26 loisirs officiels @gmail.com ou auprès de Monique au 06 15 29 55 59, présenté 12€ par personne.

bonheur. Des roses pour vous, interprétées ici par Guy Tillieu. Samedi 15 février, à partir de 19h30, à la salle des fêtes de Saint-Privé, dîner-spectacle de la Saint-Valentin, organisé par Radio Arc-en-Ciel. Là. Je ne donne pas le détail en portugais, parce que ça se passe à la salle des fêtes, donc sur réservation avant le 10 février, au 06 79 08 42 05, ou 06 51 65 22 11. Eh bien voilà, on va continuer avec Claude Chevalier et son orchestre, l'orchestre de Vierzon, là où il y a des frites. Bah, chez un marchand de frites. Des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pom pom avec Titi les totos gueulant ma totos des tontos nous allons pom pom là où là où là où là où là où pom pom des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pom pom avec Titi des tontons gueulant dans ma tonton des tontons nous allons pom pom là où là où là où là où là où y a des frites. Et on va changer des frites. On va écouter cet extrait d'un CD qui s'appelle Tarentelle Party par Jean-Marc Torchi. On écoute tout simplement la tarentelle. We'll be right back. m'a demandé une dédicace tout à l'heure, quelqu'un de Terre-Côte, je crois que c'est la Comparsita. Mais si je me trompe, ne m'en voulez pas. J'ai pas marqué, et voilà. Ça qu'on marque pas, c'est à ce moment-là qu'on nous demande. Mille excuses si je me trompe. Hein. Eh bien écoutez, on va écouter les Turner et la Comparsita. C'est pour le plaisir personnel de Mireille. Malheureusement, j'ai pas marqué le nom, le prénom. Mireille, je sais plus. Ça se reconnaîtra. Hein. Le cercle. Thank you. continuer un petit peu, il nous reste une dizaine de minutes, et on va récupérer les tarentelles avec Jean-Marc Torchi. bien voilà, 17h55, on va s'acquitter dans quelques minutes. Puisque on a retrouvé l'équipe des sports, à peu près d'aplomb. Avec Algemiro, je sais pas si Bruno vient. Et José. José qui pèse encore plus lourd qu'avant. La fille de Dolores, c'est Guy Tillieux. Alors, je vais vous souhaiter encore une fois une bonne année 2020, parce que c'est une tradition, jusqu'au 31 janvier. Et j'espère que pour les gens de Cercotte, j'ai trouvé le bon tango demandé. Dans quelques instants, vous retrouverez l'équipe des sports de Radio Arc-en-Ciel en langue portugaise. Jusqu'à 20h. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis je vous dis à demain. 12h30, 15h, l'accordéon de nos régions. Eh bien voilà, il est l'heure. Il est 15h22, la pendule de Radio Arc-en-Ciel, qui est au-dessus de moi. Il doit y avoir une petite erreur. Et on a retrouvé notre ami José. Bonjour Michel. José, monsieur le maire de Trénoux. Voilà. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Michel, bonne année à toi et à toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. De même pour toi. Et j'ai appris par des bruits qui courent que tu allais être bientôt en retraite. Oui. Donc tu vas venir tous les jours à Radio Arc-en-Ciel. Non. Ah non, ah bon, d'accord. T'as de l'occupation. Je viendrai quand il sera nécessaire. Absolument. Mais depuis que tu es parti, on n'a pas écouté d'histoire de blonde. Ça t'a manqué les histoires de Trénoux. De Trénoux, ça m'a manqué. Toi que t'en as raconté une, que je vous écoutais, elle se passait quand même à Trénoux. Oui, c'est vrai. Je vous ai manqué quand même 6 semaines. Six, 7 semaines. Tant que ça. Eh oui. Et ça fait longtemps que je ne suis pas venu par ici, c'est pour ça. Eh oui, mon gars. Aljamiro, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Ça va ? Ça va. T'es toujours en forme, toi ? Ouais, ça va, ouais. On fait aller, hein. Jean-Pierre, notre ami Jean-Pierre, la soldade, c'est comme ça qu'on dit ? De quoi ? La soldade, de quoi ? Soldade. Hein ? La soldade. Ah oui, je sais qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est sur ma page sur l'Internet, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Il y a mon émission, tu peux écouter. Hein. Oui, ben je sais. Il y a une émission, tu peux écouter. Maintenant, il me la met. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, parce que j'ai cherché, ça fait 15 jours que je cherche son nom. Tu te rappelles du petit portugais qui a enregistré les émissions ? Oui, Florent. Florent Amigo. Amigo, impossible de me rappeler pourtant Amigo, c'est facile. Hein. Ouais. Ben, normalement, il les envoie par... Ouais. Mais moi, je préfère les amener sous ma clé d'ici, parce que comme ça, je pourrais préparer un peu. Tu peux faire un choix. Pour que Jean-Pierre il passe, qu'il les mette sous ma page, j'enlève un peu les pubs, j'enlève un peu les blancs. Des fois, chaque fois, il y en a un peu. Chacun son truc. Hein. Donc comme ça, ça c'est un truc propre, et puis il me les met sur le machin, voilà. Et avec Florent. J'arrive pas à les ouvrir. Je peux les écouter, mais je n'arrive pas à les ouvrir. Ah, je sais pas pourquoi. Ah. Parce que c'est peut-être un podcast qui m'en envoie. Moi, je l'avais, mais je l'ai perdu. Je sais pas pourquoi. J'ai changé d'ordinateur, mais je l'ai perdu. Voilà. Ben, c'est bien. Ah, je vais vous poser une question sur les blondes. Tiens. Ouais. Ça fait longtemps. Aljamiro. Elle est de Trénoux aussi, non? Ah, ben, c'est une blonde de Trénoux, oui. Ah, c'est une blonde. Elle habite à côté du café, là. Je comprends bien. Oui. Les femmes de Trénoux, elles étaient toutes avec moi pendant que si je venais pas. Étaient toutes avec moi. Là, elles sont revenues. C'est pour ça. Tu les as ramenées. Je les ai ramenées. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Pourquoi les blondes lavent-elles leur pull avec du dentifrice ? Alors là, attention. Hein. Là, c'est compliqué. Hein. Il en faut beaucoup, d'ailleurs. Je sais pas. C'est un jeu de mots. Hein. Ben, c'est parce que le dentifrice rafraîchit la laine. Ah oui, oui. Et renforce l'émail. Ah d'accord. C'est mignon. Oh, José, il est plus habitué, il est plus habitué. Non, ça va, elle est mignonne, ça va. Ça va. Ouais. Ça passe. Ah là. Que fait une blonde sur un circuit de Formule 1 ? Hein ? Que fait une blonde sur un circuit de Formule 1 ? Bah, c'est... Oula ! Mais elle fait de l'autostop. Tout bêtement. Peut-être, oui. Bah, c'est une blonde, ça. D'accord. Ouais. Sur une monospace, en plus. C'est ça ? Oui. La dernière, toute courte. Voilà. Pourquoi le dictionnaire s'appelle Larousse ? À cause du petit Robert ? Non, parce que si elle s'appelait la blonde... Il n'y aurait rien dedans. D'accord. Bon, alors je vous souhaite une bonne émission à tous les deux. Merci. Et puis... Le troisième n'est pas là ? Ben, je ne sais pas, il va peut-être arriver. Il va peut-être arriver. Il va peut-être sur la route. En général, il court dans l'escalier quand il vient. Ouais. Ouais. Bon. Allez. Bonne émission. Bon dimanche à toi. Et comme c'est la nouvelle année, j'ai changé. Pour aujourd'hui, je change le générique. Ah, tu changes le générique ? Ouais, j'aime bien cette musique-là et je l'ai vue en instrumental. Alors je vais la faire écouter. Eh ben c'est très bien, mon cher José. Voilà. Alors, toi, tu connais Apache, tu connais ? Ah oui. La musique ? Ah oui. Alors tu vois là, ça va être ça. Ah d'accord. C'est pour ça que tu vois un chanter, c'est un instrument. Ah, c'est un instrument. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Alors, Apachon. Apachon. Bon, bonne émission. Merci, Michel. Et à bientôt. Et à la semaine prochaine. Et puis, bon dimanche pour toi demain. Ok, merci.